Depuis trois jours, malgré l'ardeur du vent, il cheminait dans le sable mouvant. Pauvre serviteur de la famille sainte, là, dans le désert, était déjà tombé. Et bien avant de voir d'une cité enceinte, de fatigue et de soif, son maître succombé sans le secours de Dieu. Seule Sainte Marie marchait calme et sereine, et de son doux enfant la blonde chevelure la tête bénie semblait la ranimer sur son cœur reposant. Mais bientôt, c'est pas chancelaire, combien de fois les époux s'arrêtèrent. C'était une cité dès longtemps réunie à l'Empire romain, pleine de gens cruels, au visage hautain. Voyez combien dura la navrante agonie des pèlerins cherchant un asile. Seigneur, ma femme est presque morte. Votre maison cruelle reste fermée, vos cœurs sont durs. Sous la ramée de ces sycomores, l'on voit tout à l'écart un humble toit. Frappons encore. Mais qu'à ma voix unie, votre voix si douce, Marie, tant aussi de les attendrir. Hélas, nous aurons à souffrir par tout l'insulte et la vanille. Je vais tomber. Oh, par pitié! Par pitié, secourez-nous. Laissez-nous reposer chez vous. Que l'hospitalité sainte soit accordée à la mère, à l'enfant. Hélas, de la Judée, nous arrivons. Montrez la bonté de vos cœurs. dire. Donnez de l'eau, donnez du lait, des grappes mûres. Donnez de l'eau, donnez du lait, préparez à l'instant une couchette pour l'enfant. Que de leur prière, on lave les blessures. Sur vos traits fatigués, la tristesse est empreinte. Ayez courage, nous ferons ce que nous pourrons pour vous aider. Bannissez toute crainte, les enfants d'Ismaël sont frères de ceux d'Israël. Nous avons vu le jour au Liban, en Syrie. Comment vous nomme-t-on ? Elle a pour nom Marie. Je m'appelle Joseph et nous nommons l'enfant Jésus. Jésus, quel nom charmant ! Dites, que faites-vous pour gagner votre vie? Oui, quel est votre état? Moi, je suis charpentier. Eh bien, c'est mon métier. Vous êtes mon compère. Ensemble, nous travaillerons. Bien des deniers, nous gagnerons. Laissez faire. Près de nous, Jésus grandira, puis bientôt il vous aidera, et la sagesse il apprendra, et la sagesse il apprendra. Laissez, laissez faire. Laissez, laissez faire. pour bien finir cette soirée et réjouir nos hôtes, employons la science sacrée, le pouvoir des doux sons. Prenez vos instruments, mes enfants, toute peine cède à la flûte unie, à la harpe thébaine. Thank you. Bien reposé. puis enfin.